Bonjour, bonsoir, bienvenue au Cirque Aquatique Magique. En votre compagnie, François Gécouillard. Avez-vous suivi les déclarations de Claude Roy? Candidat col rouge. Qu'est-ce que c'est les cols rouges? Eh bien, le 93.3 est en perte de vitesse par rapport à son compétiteur Choix FM. Et Sylvain Bouchard, en tondant sa pelouse dans Vanier, a eu l'idée géniale pour sauver sa job de créer de toutes pièces un événement, un mouvement politique, entre gros guillemets, pour relancer sa carrière. Et ça s'appelle les cols rouges. Et le candidat col rouge, c'est Claude Roy, ex-adéquiste. Charmant personnage. Il a fait certaines déclarations racistes. Et puis c'est un peu la semaine du racisme, parce qu'il y a eu aussi un malade qui a tiré, qui a fait une tuerie aux États-Unis dans un temple sikh. Et évidemment, nos chers médias québécois n'ont pas parlé beaucoup, n'ont pas élaboré sur le fait que c'était un néo-nazi. Alors, c'est un petit détail de rien du tout. Alors, on va élaborer un peu le sujet, nous. Hein? Et on va commencer avec une pièce extraordinaire de Didier Super. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique, c'est François Gécouillard. Eh ben, tu vois, là, j'ai fait une chanson. Et eh ben, la chanson, là, et eh ben, à chaque fois que je la chante, et eh ben, il y a plein de gens, ben, ils veulent me taper. Les Arabes, c'est comme les lesbiennes et les drogués. Les romanos, les artistes et les putes. Les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs. Les clochards, c'est comme les travelots et certains jeunes. Y'en a des biens. Esthéticienne comme les gonzesses, plus comme qu'une blonde. Les mecs encore plus cons qu'une esthéticienne, comme beaucoup de mecs. Les gros chefs d'entreprise, comme les mecs qui vont aux putes. Le pape et ses copains, comme certaines marques de capote. Y'en a des biens. Allez, y'en a des biens. Allez, on chante. Y'en a des biens. Y'en a des bien, bien, bien, youpi! Là par exemple, bah, ça peut être bien, mais toi t'écoutes le disque avec tes copains, mais et bah, tu filmes que loulou! Si en plus on a le faire. Les politiciens comme les trafiquants d'armes. Les présidents de la République comme les petits escrocs. Les alcooliques et les dépressifs comme les mecs dans la police. Le curé intégriste comme les pédophiles. Allez, y'en a des biens. Y'en a des biens. Y'en a des biens. What is it? Is it satanic? Is it some spiritual thing that people who are atheists, they hate God, they hate the expression of God, and they are angry with the world, angry with themselves, angry with society, and they take it out on innocent people who are worshiping God. And whether it's a Sikh temple or a Baptist church or a Catholic church or a Muslim mosque, whatever it is, I just abhor this kind of violence, and it's the kind of thing that we should do something about. But what do you do? What do you do? Well, you talk about the love of God and hope that it has some impact. What extrêmement de droite. Y a-t-il trop d'immigrants au Québec? C'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher la bonne immigration. Mm-hmm. C'est qu'on veut absolument avoir une immigration francophone, toujours pour la simple... Parce qu'on est un peuple de frustrés. On pense toujours que les Anglais nous ont battus, mais finalement, c'est les Français qui sont partis la queue entre les deux jambes. On connaît pas notre histoire, donc on reste frustrés en pensant que c'est les Anglais qui nous ont conquis, alors que les Anglais nous ont... préservés de la guerre avec les Américains, parce que sinon on serait carrément Américains. Les Anglais nous ont sauvé la mise. Les Français étaient trop lâches puis étaient en guerre contre l'Espagne. Ils sont retournés chez eux avec la queue entre les deux jambes. Puis aujourd'hui, on est un peuple de frustrés qui veulent absolument se séparer parce que le Canada semble pas faire notre affaire. Alors que nous autres, l'immigration qu'on a eue, on a eu une immigration francophone, marocaine, algérienne, République dominicaine, Haïti, etc. Et finalement, l'Ouest canadien, eux, sont allés chercher tout le monde asiatique avec de l'argent, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle On n'a pas choisi les bons immigrants, puis à Vancouver on est rendu, on n'appelle plus Vancouver, on appelle Vancouver, parce que c'est vraiment la société économique. Et tu voudrais me dire que ça nous prendrait plus d'Asiatiques, moins d'Arabes? Ça prend plus d'Asiatiques et moins d'Arabes. Parce c'est que sérieux, oui. Pensez-y correctement, quand est-ce que j'avais entendu un Asiatique, un conflit avec un Asiatique? Quand est-ce que j'avais vu un Asiatique sur les journaux comme tenu criminellement responsable? Quand est-ce que j'avais vu un Asiatique pas prendre un dépanneur que les Québécois veulent pas prendre parce qu'il faut travailler de 6h du matin à 11h du soir? I have to interrupt. The word is not pork weenie, it's corn weenie. You know, like a corn dog. All right, we'll begin again. And remember, corn weenie. Say it. Say it! That's right. Now let's go along. Maestro? Étranges étrangers. Étranges étrangers. Habile de la chapelle et des quais de Javel, homme des pays loin, cobaye des colonies, doux petit musicien, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, polac du Marais, du Temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares, ou bien du Finistère, rescapé de Franco, et déporté de France et de Navarre, pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer, où pouvez-vous baigner? Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquaient chaque jour, dans les locaux disciplinaires, avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés. Enfants indo-chinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormaient aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Okay. OK. Êtes-vous excessivement de droite dans tous les domaines? Est-ce que vous êtes excessivement de droite aussi sur le plan social? Non, pas du tout. C'est de la droite économique. Oui, c'est une droite économique et c'est une droite rationnelle. Tu sais, par exemple, je donnerais, par exemple, 5 visites annuelles à l'hôpital. Au bout de la 6e, t'as un frais de 10$ qui va être remis à la fin de l'année. Petit bloc dédié au candidat col rouge Claude Roy. On a entendu La Gâchette interprétée amérindien. Après ça, on a entendu Étranges étrangers, un poème de Jacques Prévert. Et Didier Super nous faisait Il y en a des biens. Hein? C'est les Arabes, c'est comme les putes, les artistes, certains jeunes. Il y en a des biens. Un grand message de paix de Didier Super, qu'on adore. Que dire de plus? La Gâchette, nous ne devons pas oublier que nous n'étions pas les premiers. Oui, effectivement. Un groupe de Montréal qu'on pourrait qualifier de... C'est quoi ce style-là déjà? Du Oi, voilà. musique Oi, musique ouvrière, musique de Skinhead, à ne pas confondre avec les Bonehead. Alors, chanson antiraciste. Et qu'est-ce qui se passe à part de ça dans l'actualité? Eh bien, c'est les élections! Oh que oui! Et comme de fait, il y a plein de belles chansons qui sortent sur le sujet. On va écouter un bloc sur le sujet. Deux pièces de partis politiques. Oh là là! Vous avez entendu peut-être celle du PQ? Mais avez-vous entendu celle de la démocratie chrétienne du Québec? Oh! Eh bien, vous allez l'entendre ici au Cirque aquatique magique. On commence avec une pièce d'Infoman, Scrutin sur la plage. Sur une plage ensoleillée, une jolie fille, un garçon, leurs lèvres allaient enfin pouvoir se toucher. Mais il y eut des élections le 4 septembre. Scrutin sur la plage. Les Québécois seront donc appelés aux urnes. Fini le bronzage. Je trouve ça franchement grotesque. Et j'ai perdu mon amour d'été pour un entêté. Les Québécois auront l'occasion de s'exprimer. Qui n'a jamais aimé. Ça m'est arrivé il y a 28 ans. Cet été-là, nous avons rompu, séparés par des corrompus. Nos ébats et nos corps enlacés ont été remplacés par des débats et des bébés embrassés. Bulletin de votage, je pleure et j'enrage. Dans l'urne des élections d'été, j'irai déposer nos pauvres cœurs brisés. Ça fait un an qu'on nous demande, on crie pour avoir une élection. Là, corps et à cri, on veut une élection, on veut une élection. L'élection a lieu, ben on n'en voulait pas d'élection. Bon sang, on vit en société, on pourra-tu avoir des moyens collectifs pour organiser cette société-là? C'est à nous de choisir qui tracera le chemin. C'est à nous de nous dire ce que sera demain. C'est à nous de choisir de croire en l'avenir. C'est à nous de choisir, de forger le destin. C'est le temps de s'unir, de se donner la main. Faire selon nos désirs. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir, de retrouver confiance. C'est le moment d'agir, de se donner la chance. D'enfin s'appartenir. D'enfin s'appartenir. À nous de faire grandir cet espoir qui revient. C'est à nous de choisir pour notre propre bien. C'est le temps de choisir de meilleurs lendemains. Ce que sera demain, c'est à nous de choisir 8 millions d'êtres humains. C'est à nous de choisir, de forger le destin. C'est le temps de s'unir, de se donner la main. Maintenant pour demain, c'est à nous de choisir. Thank you. Il y a des travailleuses, des travailleurs qui vivent des moments difficiles à l'heure actuelle, particulièrement au papier White Birch, parce qu'ils se font, excusez l'expression, je sais qu'à l'Assemblée nationale, en dedans, j'aurais pas le droit de dire ça, j'en profite, je le dis tout de suite, ils se font fourrer par le système capitaliste. Des mondes qui parlent, des personnes qui se réveillent. C'est le temps de la vérité. C'est le temps de couper les chaînes, mettre l'amour dans tes veines. C'est le temps de l'unité. Le temps de briller comme le soleil, faire la paix avec ton cœur, c'est le temps du vrai bonheur. Ouais, ça crache un peu party, hein? La chanson du Parti démocratie chrétienne du Québec. Comme une colombe à liberté. Ou comme est indiqué sur leur site, le Parti démocratique drétienne du Québec. Oh là là! C'est le temps de regarder l'eau, la mer, la rivière, le ruisseau. Parti démocratique chrétienne du Québec, c'est un genre de parti qui veut faire du Québec une théocratie. Donc, vous savez, c'est quoi une théocratie, là? C'est l'Afghanistan sous les talibans, là. C'est-à-dire qu'on respecte les principes religieux tirés d'un vieux livre, là, comme, en l'occurrence, dans le cas des talibans, c'était... j'ai comme un blanc. Le livre de l'islam, en tout cas. Et puis, la démocratie chrétienne, c'est la Bible. Donc, respecter les 10 commandements de la Bible, mais au Québec. Alors, on parle de valeurs très réactionnaires ici. Un parti du bon vieux temps, là. C'est un parti qui veut revenir aux vieilles valeurs, et même avant. Comme à l'époque médiévale. Tu proposes quoi, DCQ, pour nous sortir du trou? DCQ répond, un projet de société. Ah là là. OK, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce merveilleux parti politique-là, partidcq.qc.ca. Et vous pouvez évidemment écouter la chanson thème du parti. Vous pouvez aussi aller voir la TV DCQ. Apparemment, il y a une télé. Alors, ça doit être des beaux vidéos, là, vraiment super passionnants. Mettre les choses à leur place, c'est le temps d'un peu d'espace. Êtes-vous tanné des élections? Eh bien, tant pis pour vous, il en reste encore pour un bon bout de temps. On a entendu un beau bloc là, de musique extraordinaire. Donc, on a entendu évidemment le Parti démocratie chrétienne du Québec, qui faisait la chanson thème 2012, tout simplement. On a entendu la chanson thème du Parti québécois qui s'appelle « À nous de choisir ». Et l'équipe d'Infoman nous a fait une chanson extraordinaire qui s'appelle « Scrutin sur la plage ». Il raconte l'histoire d'un gars qui arrive pour embrasser sa blonde pendant ses vacances et il est dérangé par Jean Charest qui lance des élections. Une belle histoire, touchante. Et on s'identifie bien à l'histoire. Pour ce qui est de la chanson du Parti québécois, composée par Nelson Mainville, qui a dû se défendre cette semaine sur sa chanson. Les gens disaient que sa chanson était plate. Alors, il a défendu bec et ongles, sa chanson. Quand même, je sais pas, c'est une question de goût. Moi, je porte pas de jugement. Est-ce que vous, vous avez apprécié la chanson thème du Parti québécois? 640-1586 pour partager vos opinions. Moi, je suis mitigé, là. Quand même, des gros noms qui ont participé à cette chanson-là. Marie-Hélène Thibert. Qui d'autre? Ariane Moffat. Michel Richard. Daniel Boucher. Yann Perrault. Marie-Pierre Arthur. Alors, quand même, ce n'est pas rien, comme on dit en bon québécois. Ce n'est pas rien. Alors, écoutez un bloc de chansons guinéennes. On commence avec une pièce qui s'appelle « Moi, je suis découragé » de Bala et ses baladins. Oh, c'est parti! C'est que l'air là content dire cousin pour moi, oncle pour moi, frère pour moi, ya ouyale, ayati keolo. Thank you.

suba fe casi benito do ma quando mañe que te pone bella miau mas corpo bate bem e pouco do mas roupa seite miau miau mulukulu bem ba jolo com fa de mañe ne ka banda mo tunda no bele bela miau quando no bem ba do novo mo tangi ne ka banda mo so tem que folia miau miau mo kabla wara bada mavuna tera kete kula era lo makaya wara bale kuyo mundu kulu bemba jolo kofadi ma ana musu mano bele kwa patalu bemba jopa tafumusa ana musu yiri mange ne kwa ina no bemba wolo kwa lanta ana musu fenga lenya bakwa masulu busum tabo kodo nisu na manere go. Deux pièces de Guinée tirées d'un album, d'une compilation de musique guinéenne vraiment, vraiment, vraiment super, super, super extra chouette qui s'intitule Discothèque 70. Vous avez compris que c'est des pièces tirées des années 70. Que dire sur ce qu'on a entendu? Bon, premièrement, le nom des pièces. On a entendu Waramba. Waramba, du groupe Bembeya Jazz National. Et Bala et ses baladins faisaient « Moi, je suis découragé ». Faut dire qu'après son indépendance, le nouvel État de Guinée a décidé d'engager des groupes pour jouer de la musique guinéenne. Donc c'est un peu le CRTC guinéen, si on veut. C'est pour encourager la culture guinéenne, parce que à l'époque, c'était les groupes européens qui dominaient la scène musicale. Et le groupe s'est formé en 1962, grâce à l'État guinéen, nouvel État. Parce qu'avant, c'était une colonie française, et la langue officielle de la Guinée, c'est toujours encore aujourd'hui le français. Et l'État a aussi créé son propre label qui s'appelait Siliphone. Label sur lequel Bala et ses baladins ont enregistré quelques disques. Le groupe était aussi connu sous le nom d'Orchestre du Jardin de Guinée. Très joli. Et c'est l'un des premiers groupes de danse en Guinée à avoir mélangé tradition et modernité. Alors bravo, Bala et ses baladins. Êtes-vous prêt à être bouleversé? Êtes-vous prêt à être flabbergasté? Êtes-vous prêt à peut-être même être choqué? Il y a Rabin Kramaslabovitch qui a sorti trois genres d'albums disponibles gratuitement sur son site internet, de chansons assez particulières, de musique curieuse, c'est des espèce de pièce musicale qu'il a assemblée au fil des ans devant son ordinateur, et à un moment donné, il a décidé de les rendre publics. Alors, on commence à écouter, on va écouter une pièce, là, trois pièces de Kramaslabovitch. La première qu'on va mettre s'appelle L'Homme Nouveau. Vous êtes au Cirque Aquatique Magique, et en votre compagnie, c'est François Gécouillard. Je vis dans la pas peur. Mon voisin est armé et me menace constamment. Il convoite mon champ, ma lisière et mon bout de forêt. Dans son haut par sous les arbres, il rugit pour m'effrayer. Il me crie des bêtises. Quelqu'un m'a suggéré, jette-toi à ses genoux, un crucifix à la main, et chante-lui des paroles d'amour. Ce que j'ai fait, il a donné un coup de pied à mon crucifix, a souillé ma robe blanche en hurlant, bientôt il te faudra décamper. Donc j'ai endossé de vieux habits pour m'abattre. Et je me suis présenté devant lui avec mon fusil de chasse. Ça l'a fait rire. Une claque, il a brisé mon fusil. Déménage, m'a-t-il crié. Demain, j'envahis ton domaine. Alors, bardé de cuir, la barbe bien rosée, souriant, propre et détendu, je lui ai dit, j'ai une bombe nucléaire derrière moi. Regarde. Il a vu. Il est devenu blême. Terrifié, il est parti. Il a baissé l'eau par l'heure. Les années 73. Mon compte est fini. Mais je n'ai pas parlé de lui. Mais oui. Mais ben, j'allais toujours pas le comparer à une bombe nucléaire. Pourquoi pas? Notre arme de dissuasion, depuis 30 ans, c'est dédié au Québec. Qui a du thème, qui nous a défendu, qui a frappé, qui a fait peur, qui a fait réfléchir, qui a fait évoluer les choses, qui a demandé des excuses et des obtenues, qui a exigé que langue française, santé, instruction, compétences soient obligatoires. La fierté, on l'a connue, qui nous en a drogué, qui a inventé l'homme nouveau appelé Québécois, qui fait des affaires jusqu'en Chine. L'homme nouveau libre, inventif, tranquille et tolérant, reconnaissable dans l'univers. L'homme nouveau, qui change de branche, sans changer d'arbre, qui change de parti sans changer de pays. Celui qui nous quitte fait partie de la courte liste des libérateurs de peuple. L'histoire éclairante, la seule vraie misère ici bas, c'est de pas avoir de pays. Toutes les guerres sont faites pour voler ce qu'on n'a pas et garder ce qu'on a. Quand une vague est arrivée, il a dit, ne cherchez plus, celui qu'on a sous les pieds sera le nôtre. Ni à vendre, ni à prêter, ni à piller. Respectant toutes les langues du monde, dont la sienne. Les extraterrestres n'ont pas de machine IBM. Parce que la machine IBM, sur le plan de la science cosmique, c'est une machine qui est très intéressante sur le plan de l'homme. Mais sur le plan cosmique, cette machine-là est trop limitée parce qu'elle doit être programmée. Et un cerveau électronique ne doit pas être programmé. Il doit se programmer seul. Mais pour qu'il se programme seul, il faut que l'information lui vienne d'une façon totalement intouchée par l'émotion de l'homme, et ceci est fait par l'enregistrement constant de l'événement matériel dans la conscience éthérique. Yeah. Mais si l'homme en arrive à un point où il peut se détruire, à ce moment-là, ils auront le feu vert et ils entreront en contact avec l'humanité et ils passeront des plans invisibles au plan matériel, se matérialiseront, seront visibles à l'homme et c'est à ce moment-là que se fera le choc culturel et c'est à ce moment-là que la civilisation humaine sera totalement anéantie. Elle sera anéantie sur le plan psychologique, la science sera totalement détruite et il y aura la reconstruction d'une nouvelle civilisation et d'un nouvel air, mais sur des bases et à l'intérieur de conditions psychiques, vibratoires et psychologiques que nous ne pouvons même pas aujourd'hui nous imaginer. L'autre fois, je me tenais sur le bord du chemin, puis je regardais s'il y avait quelque chose dans mes mains. J'ai pris mes scènes et mes pêches, et je me suis taillé. J'avais fait ce que je pouvais, mais bon, je ne pouvais plus rester. Je devenais calme. Ah oui, oui, oui, je vous jure. Quand je suis entré dans le bar, il y avait deux, trois habitants. Ils m'ont demandé, et toi tu veux faire du chant, tu fumes, tu campes, tu non, moi je ne veux pas, j'ai pris ma veste et mon seul gant, alors on tire au sort, et puis c'est la paille à papa qui décidera des chansons, de celles qui tourneront dans l'ombre. Attablé avec deux sœurs, je survis, attention, je me demande si rentre en plan serait de mon bord la question. J'aime danser dans les calais, sur les derniers ravins qu'il faudra survoler. J'embarque dans l'angle et je tourne et me demande encore si je vais trouver la route qui me mènera jusqu'au port. Et puis à l'âge, c'est Jack qui est entré dans le bled. Et comme toujours dans son regard, il avait son petit revolver qu'il m'a donné avec un dernier calmant pour la rime. Alors si c'était comme ça que tu voulais que l'on se souvienne, je te regarde, je me gare à cheval sur la ballerine. J'ai tiré et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Au bout des forêts, les bedaines se tordent dans le caillot. Gentleman claquant guimauve, écran de sang, des mondes posés, banc devant le caillot. T-Paul, attention, les quatre tombés dans les rangs. Hey, hey, wow. Trois albums tirés des trois EP de Rabin Kramaslabovitch, ex-claviériste des Ghouls, le groupe de Québec. Donc c'est ça, on peut trouver gratuitement ça sur Internet. Là. Tapez « Débile et inégal », c'est le nom des trois EP. « Débile et inégal », il y a une raison pour ça. Rabin est en entrevue avec le blog « Mauvaise Herbe ». Et il a dit la chose suivante, alors je cite Rabin. Sérieusement, j'ai fait ça pendant les cinq dernières années à temps perdu. Depuis que les Ghouls sont finis, finalement. Moi, je taponnais ben sous, puis quand ma blonde était couchée, je mettais mes écouteurs. La majorité du temps, quand tu penses que c'est de la guitare, c'est de la basse. C'est juste un micro-cube, puis un petit Fender, puis je calisse ça direct dans l'ordi. Tu sais, j'ai même pas de carte de son. Je suis sur Cool Edit. C'est n'importe quoi, mais ma fierté, c'est que je pense à tous ceux qui ont Pro Tools et plein d'équipements. Et je suis content d'avoir fait de quoi aussi. Pas pire, avec la marde que j'ai, puis mon talent limité. Et je continue, parce que c'est vraiment trop bon. C'est pas pour rien que j'ai appelé ça débile et inégal, parce qu'il y avait des affaires que j'écoute et je me dis, calice, tu retournes dans le mix et tu essaies de faire de quoi, puis ça marche pas. Tu sais, quand tu retournes dans ton mix de Cool Edit, c'est pas comme Pro Tools. J'ai même pas les plugins pour faire ce que je veux. Anyway, j'ai rien, man. Et la chanson, on a entendu quoi comme chanson? On a entendu T'attends l'attentat, L'homme nouveau et La paille à papa. En fait, la paille à papa, c'est la dernière chanson qu'on a entendue. C'était une impro que c'est finalement c'est lui qui l'a chanté, Kramas Labovitch. Et il raconte l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar. Et là, je cite encore une fois Kramas Labovitch. Tu sais, la paille à papa, c'en est une de ces chansons-là qui vont tourner dans l'ombre. Elle ne tournera jamais à la radio, mais elle va tourner dans les stations communautaires. Bien dit! It's done! Et on finit là-dessus. C'était le Cirque Aquatique Magique. Pour écouter cette émission, jeunefou.blogspot.com. Sinon, on se dit à la semaine prochaine et on se laisse rester à l'écoute de CKRL. Ça va être l'émission Radio Panama. Que dire de plus? Cela est juste et bon. Ciao, ciao!